Le 10 septembre, le comité central du Parti Travail de Corée a lancé à tous les militants du parti, à tous les officiers et soldats de l'armée populaire et à tout le peuple, l'appel titré « Remportons une victoire prodigieuse en changeant le mal en bien dans le rétablissement du nord sinistré de la province du Hamgyong du Nord par la grande puissance de l'unité monolithique ». L'appel indique « Du vent violent et les grandes pluies sans précédent dans l'observation météorologique depuis la libération nationale se sont abattues sur le bassin du fleuve Douman au nord de notre patrie. Plusieurs villes et arrondissements ont connu de grands dégâts naturels. Les maisons d'habitation des dizaines de mille familles, des bâtiments publics, le réseau de communication, y compris le chemin de fer et les routes, le système de fourniture d'électricité, les usines, les entreprises et les terres cultivées sont détruits ou inondés. Les habitants du nord de la province du Hamgyong du Nord, qui accéléraient jour et nuit la campagne de 200 jours, ont perdu leur foyer et se heurtent à de grandes difficultés. Pour notre parti, il n'y a aucun état d'alerte plus alarmant que la douleur du peuple et il n'y a aucune entreprise révolutionnaire plus importante que d'éliminer le malheur du peuple. Face à la situation extraordinaire, notre parti a pris la décision importante de fixer le rétablissement de ces régions ravagées comme l'orientation principale de la campagne de 200 jours pour surmonter des difficultés. À cette fin, notre parti a pris la mesure importante d'envoyer en urgence à ces régions sinistrées les unités principales qui se trouvaient déployées dans les secteurs principaux de la campagne de 200 jours, y compris la construction de l'avenue du Mion, et d'inviter tout le parti, toute l'armée et tout le peuple à y converger les efforts. Remportant une victoire prodigieuse en changeant le mal en bien dans le rétablissement du nord sinistré de la province du Hamgyong du Nord par la grande puissance de l'unité monolithique, c'est le mot d'ordre apporté haut par tous les participants à la campagne de 200 jours. La construction des maisons d'habitation pour les sinistrés est un combat de défense de l'unité monolithique pour justifier la confiance absolue du peuple dans le parti et la lutte de classe acharnée contre les forces hostiles qui cherchent à prendre tout ce qui est précieux de notre peuple. Tous les militants du parti, tous les officiers et soldats de l'armée populaire et tout le peuple sont tenus d'achever le rétablissement dans un court délai par la puissance de l'opération conjointe des militaires et civils uniques au monde et de manifester davantage la grande puissance de l'unité monolithique de la grande famille socialiste. Tous sont appelés à faire preuve de l'esprit d'invincibilité de la Corée du Tse et de son peuple héroïque par les cris « Vive le Parti Travail et vive le socialisme » qui retentiront de la région septentrionale et a remporté une victoire prodigieuse dans la campagne de 200 jours.